elle venait de recevoir deux regards enflammés de jalousie qui l'avaient atteinte au point de l'obliger à regarder les deux âmes en peine. Crevel, qui jouait contre le baron et Monsieur Coquet, avait pour partenaire Monsieur Marneffe. La partie fut égale à cause des distractions respectives de Crevel et du baron, qui accumulèrent faute sur faute. Les deux vieillards amoureux avouèrent, en un moment, la passion que Valérie avait réussi à leur faire cacher depuis 3 ans. Mais elle n'avait pas su non plus éteindre dans ses yeux le bonheur de revoir l'homme qui, le premier, lui avait fait battre le cœur, l'objet de son premier amour. Les droits de ces heureux mortels vivent autant que la femme sur laquelle ils les ont pris. Entre ces trois passions absolues, l'une appuyée sur l'insolence de l'argent, l'autre sur le droit de la possession, la dernière sur la jeunesse, la force, la fortune et la primauté, Madame Marneffe resta calme et l'esprit libre, comme le fut le général Bonaparte, lorsqu'au siège de Mantoue, il eut à répondre à deux armées en voulant continuer le blocus de la place.